fil des feuilles sèches, parsèment les gazons jaunis. Chaque matin, la brise est fraîche, hélas, les beaux jours sont finis. On voit s'ouvrir les fleurs de garden, le jardin pour dernier trésor, les dahlias mes sacoches et le souci sa toque d'or. La pluie va s'effaire des bulles, les hirondelles sur les toits tiennent des conciliabules. Voici l'hiver, voici le froid. Elle s'assemble par centaines, se concertant pour le départ, avec cri et battement d'aile sur la moulure au bord étroit. Pleine brune, petit blanc merveilleux, rôlant d'écume leur bassin. Demain, combien de lieux d'océan auront filé sous notre essaim. Je rêve d'avoir des ailes pour voler là-bas avec elle, au soleil noir au printemps vert, à livrer à jamais de l'île.